l'Elysée, la file d'attente m'a giflé. 500 mecs qui gueulent ma pipe, moi je veux juste farmer en paix. Une tour elle me regarde, je lui réponds par un clin d'œil. Le serveur est blindé, mais mon cerveau fait le deuil. J'ai spawn avec deux cailloux et une soif de légende. Mais j'ai croisé Kevin en slip qui construit comme une offrande. Il m'a dit je suis pacifiste, puis m'a frappé avec un lit. Rams rue, c'est pas un jeu, c'est un zoo vers son survie. Ag, pef, une pierre dans les dents. Je dis bonjour, on me répond avec un plan. Bim, je pose un code, je le crie dans le chat. Et je reviens dans ces mêmes morts, je suis là. Rider skill sur les ondes, ambiance vandale. Un stream de débiles mentaux, normal. Dans un buisson avec trois roquettes dans le froc. Et je me suis réveillé pendu au plafond d'un clan barreux. Ils m'ont offert des slips, un fusil, une guitare. Et j'ai fait une chanson que j'ai nommée Le droit de pas savoir. Le père tire dans la caisse à loot. J'ai crié bonjour, on m'a répondu mu. Bien que je fonde des claquettes pendant que mon vieux m'envoie des boulettes. Riders qu'il drop du son comme du loot béni. Le serveur pète mais on reste unis. Écoute le serveur qui crie, les claviers qui hurlent, les bugs qui prient. Y'a plus de logique que du style en mousse et du fun hardcore en claquettes à trous. Sur loot dans les arbres, loot dans la mer, j'ai trouvé mon stuff dans l'inventaire d'un cerf. Vico, un feu d'artifice dans ma base, la fête continue même sans une seule case. Raiders kilo au micro, c'est pas un fake, c'est du riz à l'état brut avec un peu de cake.